17e chapitre. Le lendemain, Fritz se leva dans une heureuse disposition d'esprit. Il avait rêvé toute la nuit de Suzel et se proposait d'aller passer 6 semaines au Maisental pour la voir à son aise. Que Hans, Schultz et le vieux David rient tant qu'ils voudront, pensa-t-il. Moi, je vais tranquillement là-bas. Il faut que je voie la petite, et si les choses doivent aller plus loin, eh bien, à la grâce de Dieu, ce qui doit arriver, arrive. En déjeunant, il se représentait d'avance le sentier du Postal, la roche des Tourterelles, la côte des Genêts, la ferme. Puis l'étonnement de Christel, la joie de Suzel, et tout cela le réjouissait. Il aurait voulu chanter comme Salomon. « Te voilà, ma belle amie, ma parfaite. » Tes yeux sont comme ceux des colombes. Enfin, il se coiffa de son feutre et prit son bâton plein d'ardeur. Mais comme il sortait prévenir Cattel de ne pas l'attendre le soir ni le lendemain, qu'est-ce qu'il vit? La mère Orchel au bas de l'escalier. Elle montait lentement, le dos arrondi et son casaquin de toile bleue sur le bras, comme il arrive aux gens qui viennent de marcher vite à la chaleur. Je vous laisse penser à sa surprise, lui qui partait justement pour la ferme. « Comment ? C'est vous, mère Orchel ? » s'écria-t-il. « Qu'est-ce qui vous amène de si grand matin ?» Cattel s'avançait en même temps sur le seuil de la cuisine et disait « Eh, bonjour Orchel, seigneur que vous avez marché vite, vous êtes tout en âge. »« C'est vrai, Cattel, » répondit la bonne femme en reprenant haleine, « je me suis dépêchée. » Et se tournant vers Fritz, « J'arrive pour l'affaire dont Christel vous a parlé hier à la fête de Bichem, monsieur Kobus. Je suis parti de bonne heure. C'est une grande affaire. Christel ne veut rien décider sans vous. »« Mais, » dit Fritz, « je ne sais pas ce dont il s'agit. Christel m'a seulement dit qu'il avait une affaire de famille qui le forçait de retourner au Maisental. Et naturellement, je ne lui en ai pas demandé davantage. » « Voilà pourquoi je viens, monsieur Kobus. »« Eh bien, entrez, asseyez-vous, mère Orchel, » dit-il en rouvrant la porte. « Vous déjeunerez ensuite. »« Oh, je vous remercie, monsieur Kobus, j'ai déjeuné avant de partir. » Orchel entra donc dans la chambre et s'assit au coin de la table en mettant son gros bonnet rond qui pendait à son coude. Elle fourra ses cheveux dessous avec soin, puis arrangea son casaquin sur ses genoux. Fritz la regardait tout intrigué. Il finit par s'asseoir en face d'elle en disant « Christel et Suzel sont bien arrivés hier soir. »« Très bien, monsieur Kobus, très bien. À 8 heures, ils étaient à la maison. » Enfin, voyant tout arrangé, elle commença, les mains jointes et la tête penchée, comme une commère qui raconte quelque chose à sa voisine. « Vous saurez d'abord, monsieur Kobus, que nous avons un cousin à Bichem, un anabaptiste comme nous, et qui s'appelle Hans Christian Pelsley. C'est le petit-fils de Frenzel Deborah Rupert, la propre sœur de Anna Christina Carolina Rupert, la grand-mère de Christel, du côté des femmes, de sorte que nous sommes cousins. « C'est très bien, » fit Kobus, se demandant où tout cela devait les mener. « Oui, » dit-elle. Hans Christian est notre cousin. Christel m'a raconté que vous l'avez vu hier à Bichem. C'est un homme de bien. Il a de bonnes terres du côté de Beaverkirch et un garçon qui s'appelle Jacob. Un brave garçon, monsieur Kobus, rangé, soigneux et qui maintenant approche de ses 26 ans. Personne n'a jamais rien entendu dire sur son compte. Fritz était devenu fort grave. « Où diable veut-elle en venir avec son Jacob ?» se dit-il tout inquiet. « Suzel, » reprit la fermière, « n'est pas loin de ses 18 ans. C'est en octobre, après les vendanges, qu'elle est venue au monde. Ça fait qu'elle aura 18 ans dans 5 mois. C'est un bon âge pour se marier. » Les joues de Fritz tressaillirent. Un frisson passa dans ses cheveux et je ne sais quelle angoisse inexprimable lui serra le cœur. Mais la grosse fermière, calme et paisible de sa nature, ne vit rien et continua tranquillement. « Je me suis aussi mariée à 18 ans, monsieur Kobus. Cela ne m'a pas empêché de bien me porter, Dieu merci. Pelsley, connaissant nos biens, avait pensé depuis la Saint-Michel à Suzel pour son garçon. Mais avant de rien dire et de rien faire, il est venu lui-même comme pour acheter notre petit bœuf. Il a passé la journée de la Saint-Jean chez nous, il a bien regardé Suzel, il a vu qu'elle n'avait pas de défaut, qu'elle n'était ni bossue, ni boiteuse, ni contrefaite d'aucune manière, qu'elle s'entendait à toutes sortes d'ouvrages et qu'elle aimait le travail. Alors il a dit à Christel de venir à la fête de Bisham, et Christel a vu hier le garçon. Il s'appelle Jacob, il est grand et bien bâti, laborieux, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter de mieux pour Suzel. Pelsley a donc demandé hier Suzel en mariage pour son fils. Depuis quelques instants, Fritz n'entendait plus. Ses joies, ses espérances, ses rêves d'amour, tout s'envolait, la tête lui tournait. Il était comme une chandelle des prés dont un coup de vent disperse le duvet dans les airs et qui reste seule, une, désolée, avec son pauvre lumignon. La mère Orchel, qui ne se doutait de rien, tira le coin de son mouchoir de sa poche et, baissant la tête, se moucha, puis elle reprit. « Nous avons causé de cela toute la nuit, Christel et moi. C'est un beau mariage pour Suzel, et Christel a dit « Tout est bien, seulement M. Cobus est un homme si bon, qui nous aime tant et qui nous a rendu de si grands services » que nous serions de véritables ingrats si nous terminions une pareille affaire sans le consulter. Je ne peux pas aller moi-même à Hunebourg aujourd'hui, puisque nous avons 5 voitures de foin à rentrer. Mais toi, tu partiras tout de suite après le déjeuner et tu seras encore de retour avant 11 heures pour préparer le dîner de nos gens. Voilà ce que m'a dit Christel. Nous espérons tous les deux que cela vous conviendra, surtout quand vous aurez vu le garçon. Christel veut le faire venir exprès pour vous l'amener, et si vous êtes content de lui, eh bien, nous ferons le mariage. Et je pense que vous serez aussi de la noce. Vous ne pouvez nous refuser cet honneur. » Ces mots de noce, de mariage, de garçon bourdonnaient aux oreilles de Fritz. Orchel, après avoir fini son histoire, étonné de ne recevoir aucune réponse, lui demanda « Qu'est-ce que vous pensez de cela, monsieur Cobus ?»« De quoi ? » fit-il. « De ce mariage ?» Alors il passa lentement la main sur son front, où brillaient des gouttes de sueur, et la mère Orchel, surprise de sa pâleur, lui dit « Vous avez quelque chose, monsieur Cobus ?»« Non, ce n'est rien. » fit-il en se levant. L'idée qu'un autre allait épouser Suzel lui déchirait le cœur. Il voulait aller prendre un verre d'eau pour se remettre, mais cette secousse était trop forte, ses genoux tremblaient, et comme il étendait la main pour saisir la carafe, il s'affaissa et tomba sur le plancher tout de son long. C'est alors que la mère Orchel fit entendre des cris. « Cackle, cackle, votre monsieur se trouve mal, Seigneur, ayez pitié de nous !» Et Cackle donc, lorsqu'elle entra tout effarée et qu'elle vit ce pauvre Fritz étendu là, pâle comme un mort, c'est elle qui leva les mains au ciel, criant « mon Dieu, mon pauvre maître, comment cela s'est-il fait, Orchel? Je ne l'ai jamais vu dans cet état !»« Je ne sais pas, mademoiselle Cackle, nous étions tranquillement à causer de Suzel. » Il a voulu se lever pour prendre un verre d'eau et il est tombé. Ah, mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas un coup de sang !» Et les deux pauvres femmes, criant, gémissant et se désolant, le soulevèrent l'une par les épaules, l'autre par les pieds et le déposèrent sur son lit. Voilà pourtant à quelles extrémités peut nous porter l'amour. Un homme si raisonnable, un homme qui s'était si bien arrangé, pour être tranquille toute sa vie, un homme qui voyait les choses de si loin, qui s'était pourvu de si bon vin avec sagesse, et qui semblait n'avoir rien à craindre ni du ciel ni de la terre, voilà où le regard d'une simple enfant, d'une petite fille sans ruse et sans malice l'avait réduit. qu'on dise encore après cela que l'amour est la plus douce, la plus agréable des passions. Mais on pourrait faire des réflexions judicieuses sur ce chapitre jusqu'à la fin des siècles. C'est pourquoi, plutôt que de commencer, j'aime mieux laisser chacun tirer de là les conclusions qui lui plairont davantage. Orchel et Cattle se désolaient donc et ne savaient plus où donner de la tête. Mais Cattle, dans les grandes circonstances, montrait ce qu'elle était. « Orchel, dit-elle en défaisant la cravate de son maître, « descendez tout de suite sur la place des Acacias. Vous verrez à droite de l'église une ruelle et à gauche de la ruelle une rangée de palissades vertes sur un petit mur. C'est là que demeure le docteur Kippert. Il doit être en train de tailler ses œillets et ses rosiers, comme tous les jours. Vous lui direz que M. Cobus est malade et qu'on l'attend. C'est bien, fit la grosse fermière en ouvrant la porte. Elle sortit et Cattle, après avoir ôté les souliers de Fritz, courut dans la cuisine faire chauffer de l'eau, car pour tous les remèdes, il est bon d'avoir de l'eau chaude. Tandis qu'elle se livrait à ce soin et que le feu se remettait à pétiller sur l'âtre, Orchel revint. « Le voici, mademoiselle Cattle, dit-elle tout essoufflée. Et presque aussitôt, le docteur, un petit homme maigre en tricot de laine verte, la culotte de nankin tirée par les bretelles dans l'arrêt du dos, les 5 ou 6 mèches de ses cheveux gris tombant en touffe autour de son front rouge, parut dans l'allée sans rien dire et entra tout de suite dans la chambre. Orchel et Cattle le suivaient. Il regarda d'abord Fritz, puis il lui prit le pouls, les yeux fixés au pied du lit, comme un vieux chien de chasse en arrêt devant une caille, et au bout d'une minute, il dit « Ce n'est rien, le cœur galope, mais le pouls est égal, ce n'est pas dangereux, il lui faut une potion calmante, voilà tout. » Seulement alors la vieille servante se mit à sangloter dans son tablier. Kippert, se retournant, demanda « Qu'est-il donc arrivé, mademoiselle Cattle ?»« Rien, fit la grosse fermière, nous causions tranquillement quand il est tombé. » Le vieux médecin, regardant de nouveau Cobus, dit « Il n'a rien, une émotion, une idée. Allons, du calme, ne le dérangez pas, il reviendra tout seul. Je vais faire préparer la potion moi-même chez Harvirsch. » Mais comme il allait sortir et jetait un dernier regard au malade, Fritz ouvrit les yeux. « C'est moi, monsieur Cobus, dit-il en revenant. « Vous avez quelque chose, un chagrin, une douleur, n'est-ce pas ?» Fritz referma les yeux et Kippert vit 2 larmes dans les coins. « Votre maître a des chagrins, » dit-il à Cattle tout bas. Dans le même instant, Cobus murmurait. « Le rébé, le vieux rébé. Vous voulez voir le vieux David ?» Il inclina la tête. « Allons, c'est bon, le danger est passé, » dit Kippert en souriant. « Il arrive des drôles de choses dans ce monde. » Et sans s'arrêter davantage, il sortit. Cattle, à l'une des fenêtres, criait déjà « Yeri, Yeri !» Et le petit Yeri Kofl, le fils du tisserand, levait son nez barbouillé dans la rue. « Cours chercher le vieux Rebbe Zichel, cours, dis-lui qu'il arrive tout de suite !» L'enfant se mettait en route lorsqu'il s'arrêta criant « Le voici !» Cattle, regardant dans la rue, vit le Rebbe David, son chapeau sur la nuque, sa longue capote flottant sur ses maigres mollets, qui venait la chemise ouverte, tenant sa cravate à la main et courant aussi vite que ses vieilles jambes pouvaient aller. On savait déjà dans toute la ville que M. Cobus avait une attaque. Qu'on se figure l'émotion de David à cette nouvelle. Il ne s'était pas donné le temps de boutonner ses habits et venait dans une désolation inexprimable. « Puisque ce n'est rien, dit la mère Orchel, je peux m'en aller. Je reviendrai demain ou après savoir la réponse de M. Cobus. « Oui, vous pouvez partir, lui répondit Cattle en la reconduisant. La fermière descendit et se croisa au pied de l'escalier avec le vieux Rebbe qui montait. David, voyant Cattle dans l'ombre de l'allée, se mit à bredouiller tout bas. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade! Il est tombé, Cobus ?» On entendait les battements de son cœur. « Oui, entrez, dit la vieille servante. Il demande après vous. » Alors il entra, tout pâle, sur la pointe de ses gros souliers, allongeant le cou et regardant de loin d'un air tellement effrayé que cela faisait de la peine à voir. Kobus, Kobus, fit-il tout bas d'une voix douce, comme lorsqu'on parle à un petit enfant. Fritz ouvrit les yeux. « Tu es malade, Kobus ?» reprit le vieux Rébé, toujours de la même voix tremblante. « Il est arrivé quelque chose ?» Fritz, les yeux humides, regarda vers Kakl et David comprit aussitôt ce qu'il voulait dire. « Tu veux me parler seul » fit-il. « Oui, » murmura Kobus. Kakl sortit, le tablier sur la figure, et David, se penchant, demanda « Tu as quelque chose ? Tu es malade ?» Fritz, sans répondre, lui entoura le cou de ses deux bras et ils s'embrassèrent. « Je suis bien malheureux, » dit-il. « Toi, malheureux ?»« Oui, le plus malheureux des hommes. »« Ne dis pas cela, » dit le vieux David. « Ne dis pas cela, tu me déchires le cœur. Que t'est-il donc arrivé ?»« Tu ne te moqueras pas de moi, David. Je t'ai bien manqué. J'ai souvent ri de toi. » Je n'ai pas eu les égards que je devais au plus vieil ami de mon père. Tu ne te moqueras pas de moi, n'est-ce pas ? Mais Kobus, au nom du ciel ! S'écria le vieux Rébé, prêt à fondre en larmes. Ne parle pas de ces choses. Tu ne m'as jamais fait que du plaisir. Tu ne m'as jamais chagriné. Au contraire, ça me réjouissait de te voir rire. Dis-moi seulement. Tu me promets de ne pas te moquer de moi. « Me moquer de toi, ai-je donc si mauvais cœur de me moquer des chagrins véritables de mon meilleur ami, un Kobus ?» Alors Fritz éclata. « C'était ma seule joie, David. Je ne pensais plus qu'à elle, et voilà qu'on la donne à un autre. »« Qui donc ? Qui donc ?»« Suzel, » fit-il en sanglotant. « La petite Suzel ? La fille de ton fermier, tu l'aimes ? Oui. Ah ! Fit le vieux Rébé en se redressant, les yeux écarquillés d'admiration. C'est la petite Suzel ! Il aime la petite Suzel ! Tiens, tiens, tiens, j'aurais dû m'en douter, mais je ne vois pas de mal à cela, Kobus. Cette petite est très gentille. C'est ce qu'il te faut. Tu seras heureux, très heureux avec elle. « Ils veulent la donner à un autre !» interrompit Fritz désespéré. « À qui ? Un anabaptiste ? Qui est-ce qui a dit cela ? La mère Horschel, tout à l'heure, elle est venue exprès. »« Ah, ah, bon, maintenant je comprends. Elle est venue lui dire cela tout simplement, sans se douter de rien, et il s'est trouvé mal. Bon, c'est clair, c'est tout naturel. » Ainsi se parlait David en faisant deux ou trois tours dans la chambre, les mains sur le dos, puis s'arrêtant au pied du lit. « Mais si tu l'aimes, » s'écria-t-il, « Suzel doit le savoir, tu n'as pas manqué de le lui dire. »« Je n'ai pas osé. »« Tu n'as pas osé, c'est égal, elle le sait. Cette petite est pleine d'esprit, elle a vu cela d'abord, elle doit être contente de te plaire. » Car tu n'es pas le premier anabaptiste venu, toi. Tu représentes quelque chose de comme il faut. Je te dis que cette petite doit être flattée, qu'elle doit s'estimer heureuse de penser qu'un monsieur de la ville a jeté les yeux sur elle, un beau garçon frais, bien nourri, riant et même majestueux quand il a sa redingote noire et ses chaînes d'or sur le ventre. Je soutiens qu'elle doit aimer plus que tous les anabaptistes du monde. Est-ce que le vieux Rébé Zichel ne connaît pas les femmes ? Tout cela tombe sous le bon sens. Mais dis donc, as-tu seulement demandé si elle consent à prendre l'autre ? Je n'y ai pas pensé. J'avais comme une meule qui me tournait dans la tête. Eh ! S'écria David en haussant les épaules avec une grimace bizarre, la tête penchée et les mains jointes d'un air de pitié profonde. « Comment tu n'y as pas pensé ? Et tu te désoles et tu tombes le nez à terre, tu cries, tu pleures. Voilà, voilà bien les amoureux. Attends, attends si la mère Horschel est encore là, tu vas voir. » Il ouvrit la porte en criant dans l'allée. « Kakl, est-ce que la mère Horschel est encore ?»« Non, monsieur David. » Alors il referma. Fritz semblait un peu remis de sa désolation. « David, fit-il, tu me rends la vie. » « Allons, Schaud, » dit le vieux Rébé. « Lève-toi, remets tes souliers, laisse-moi faire. Nous allons ensemble là-bas demander Suzel en mariage. Mais peux-tu te tenir sur tes jambes ?»« Ah, pour aller demander Suzel !» s'écria Fritz. « Je marcherai jusqu'au bout du monde !»« Hé hé hé !» fit le vieux Zichl dont tous les traits se contractèrent et dont les petits yeux se plissaient. « Quelle peur tu m'as faite! J'ai pourtant traversé la ville comme cela. C'est encore bien heureux que je n'ai pas oublié de mettre ma culotte. » Il riait en boutonnant son gilet de finette et sa grosse capote verte. Mais Fritz n'osait pas encore rire. Il remettait ses souliers, tout pâle d'inquiétude. Puis il se coiffa de son feutre et prit son bâton en disant d'une voix émue. « Maintenant, David, je suis prêt. Que le Seigneur nous soit en aide. »« Amen !» répondit le vieux Rébé. Ils sortirent. Cathilde de la cuisine avait entendu quelque chose, et les voyant passer, elle ne dit rien, s'étonnant et se réjouissant de ces événements étranges. Ils traversèrent la ville, perdus dans leurs réflexions, sans s'apercevoir que les gens les regardaient avec surprise. Une fois dehors, le grand air rétablit Fritz, et tout en descendant le sentier du Postal, il se mit à raconter des choses qui s'étaient accomplies depuis 3 mois, la manière dont il s'était aperçu de son amour pour Suzel, comment il avait voulu s'en distraire, comment il avait entrepris un voyage avec Anne, mais que cette idée le suivait partout, qu'il ne pouvait plus prendre un verre de vin sans radoter d'amour, et finalement, comment il s'était abandonné lui-même à la grâce de Dieu. David, la tête penchée tout en trottant, riait dans sa barbiche grise, et de temps en temps clignant des yeux, « Hé, hé, hé !» faisait-il. « Je te le disais bien, Cobus, je te le disais bien, on ne peut résister. Vous étiez donc à faire de la musique et tu chantais. Rosette si bien faite. Et puis ?» Fritz poursuivait son histoire. « C'est bien ça, c'est bien ça !» reprenait le vieux David. « Hé, hé, hé, ça te persécutait, c'était plus fort que toi !» Oui, oui, je me figure tout cela comme si j'y étais. Allons donc à la brasserie du grand cerf, tu défiais le monde et tu célébrais l'amour. Va, va toujours, j'aime à t'entendre parler de cela. » Et Fritz, heureux de causer de ces choses, continuait son histoire. Il ne s'interrompait de temps en temps que pour s'écrier. « Crois-tu sérieusement qu'elle m'aime, David ?»« Oui, oui, elle t'aime !» faisait le vieux Rébé les yeux plissés. « En es-tu bien sûr ?»« Hé hé hé, ça va sans dire. Mais alors donc, à Bichem, vous avez eu le bonheur de danser le Trial Lines ensemble ? Tu devais être bien heureux, Corbus. »« Oh !» s'écria Fritz, et tout l'enthousiasme du Trial Lines lui remontait à la tête. Jamais le vieux Zichel n'avait été plus content. Il aurait écouté Cobus raconter la même chose durant un siècle sans se fatiguer. Et parfois, il remplissait les silences par quelques réflexions tirées de la Bible, comme « Je t'ai réveillé sous un pommier, là où ta mère t'a enfanté, là où t'a enfanté celle qui t'a donné le jour. » Ou bien « Beaucoup d'eau ne pourrait pas éteindre cet amour-là, et les fleuves même ne le pourraient pas noyer. » Ou bien encore « Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux. Tu m'as ravi le cœur par un des grains de ton collier. » Fritz trouvait ces réflexions très belles. Pour la 3e fois, il rentrait dans de nouveaux détails lorsque le vieux Rébé, s'arrêtant au coin du bois près de la roche des Tourterelles, à 10 minutes de la ferme, lui dit « Voici le Maisental. Tu me raconteras le reste plus tard. Maintenant, je vais descendre et toi, tu m'attendras ici. » « Comment ? Il faut que je reste ?» demanda Cobus. « Oui, c'est une affaire délicate. Je serai sans doute forcé de parlementer avec ces gens. Qui sait ? Ils ont peut-être fait des promesses à l'anabaptiste. Il vaut mieux que tu n'y sois pas. Reste ici, je vais descendre seul. Si les choses vont bien, tu me verras reparaître au coin du hangar. Je lèverai mon mouchoir et tu sauras ce que cela veut dire. » Fritz, malgré sa grande impatience, dut reconnaître que ses raisons étaient bonnes. Il fit donc halte sur la lisière du bois et David descendit en trottinant comme un vieux lièvre dans les bruyères, la tête penchée et le bâton de Cobus qu'il avait pris en avant. Il pouvait être alors 1 heure. Le soleil, dans toute sa force, chauffait le Maisental et brillaient sur la rivière à perte de vue. Pas un souffle n'agitait l'air, pas un grillon n'élevait son cri monotone. Les oiseaux dormaient la tête sous l'aile et, seulement de loin en loin, les bœufs de Christel, couchés à l'ombre du pignon, les genoux ployés sous le ventre, étendaient un mugissement solennel dans la vallée silencieuse. On peut s'imaginer les réflexions de Fritz après le départ du vieux Rébé. Il le suivit des yeux jusque près de la ferme. Au-delà des bruyères, David prit le sentier sablonneux qui tourne à l'ombre des pommiers au pied de la côte. Cobus ne voyait plus que son chapeau s'avancer derrière le talus. Puis il le vit longer les étables, et au même instant les aboiements de Mopsel retentirent au loin, comme l'échappement d'un bébé de Nuremberg. David alors se pencha, le bâton devant lui, et Mopsel ébouriffé redoubla ses cris. Enfin le vieux Rébé disparut à l'angle de la ferme. C'est alors que le temps parut long à Fritz au milieu de ce grand silence. Il lui semblait que cela n'en finirait plus. Les minutes se suivaient depuis un quart d'heure. Lorsqu'il y eut un éclair dans la basse-cour, il crut que c'était le mouchoir de David et tressaillit. Mais c'était la petite fenêtre de la cuisine qui venait de tourner au soleil. La servante Maïel vidait son baquet de pelure au dehors. Quelques cris de poules et de canards s'entendirent et le temps parut s'allonger de nouveau. Cobus se forgeait mille idées. Il croyait voir Christel et Orchel refuser, le vieux Rébé supplier, que sais-je. Ses pensées se pressaient tellement qu'il en perdait la tête. Enfin, David reparut au coin de l'étable. Il n'agitait rien, et Fritz, le regardant, sentit ses genoux trembler. Le vieux Rébé, au bout d'un instant, fourra la main dans la poche de sa longue capote jusqu'au coude. Il en tira son mouchoir, se moucha comme si de rien n'était, et finalement, levant le mouchoir, il l'agita. Aussitôt Cobus partit. Ses jambes galopaient toutes seules. C'était un véritable cerf. En moins de 5 minutes, il fut près de la ferme. David, les joues plissées de rides innombrables et les yeux pétillants, le reçut par un sourire. « Hé, hé, hé !» fit-il tout bas. « ça va bien, on t'accepte. Attends donc, écoute !» Fritz ne l'écoutait plus. Il courait à la porte et le Rébé le suivait tout réjoui de son ardeur. 5 ou 6 journaliers en blouse, coiffés du chapeau de paille, allaient repartir pour l'ouvrage. Les uns remettaient les bœufs sous le joug garni de feuilles, les autres, la fourche ou le râteau sur l'épaule, regardaient. Ces gens tournèrent la tête et dirent « Bonjour, monsieur Cobus !» Mais il passa sans les entendre et entra dans l'allée comme effaré, puis dans la grande salle, suivi du vieux David, qui se frottait les mains et riait dans sa barbiche. On venait de dîner. Les grandes écuelles de faïence rouge, les fourchettes d'étain et les cruches de grès étaient encore sur la table. Christel, assis au bout, son chapeau sur la nuque, regardait ébahi. La mère Orchel, avec sa grosse face rouge, se tenait debout sous la porte de la cuisine, la bouche béante. Et la petite Suzle, assise dans le vieux fauteuil de cuir, entre le grand fourneau de fonte et la vieille horloge, qui battait sa cadence éternelle, Suzle, en manche de chemise et petit corset de toile bleue, était là, sa douce figure cachée dans son tablier sur les genoux. On ne voyait que son joli cou bruni par le soleil et ses bras repliés. Fritz, à cette vue, voulut parler. Mais il ne put dire un mot, et c'est le père Christel qui commença. « Monsieur Cobus !» s'écria-t-il d'un accent de stupéfaction profonde. « Ce que le Rébé David vient de nous dire est-il possible? Vous aimez Suzle et vous nous la demandez en mariage? Il faut que vous nous le disiez vous-même. Sans cela, nous ne pourrons jamais le croire. »« Père Christel !» répondit alors Fritz avec une sorte d'éloquence. « Si vous ne m'accordez pas la main de Suzle, ou si Suzle ne m'aime pas, je ne puis plus vivre. Je n'ai jamais aimé que Suzle, et je ne veux jamais aimer qu'elle. Si Suzle m'aime, et si vous me l'accordez, je serai le plus heureux des hommes, et je ferai tout aussi pour la rendre heureuse. » Christel et Orchel se regardèrent comme confondus, et Suzle se mit à sangloter. Si c'était de bonne heure, on ne pouvait le savoir, mais elle pleurait comme une madeleine. « Père Christel, reprit Fritz, vous tenez ma vie entre vos mains. »« Mais, monsieur Courbus, s'écria le vieux fermier d'une voix forte et les bras étendus, « c'est avec bonheur que nous vous accordons notre enfant en mariage. Quel honneur plus grand pourrait nous arriver en ce monde que d'avoir pour gendre un homme tel que vous ?»« Seulement, je vous en prie, monsieur Courbus, réfléchissez. » Réfléchissez bien à ce que nous sommes et à ce que vous êtes. Réfléchissez que vous êtes d'un autre rang que nous sommes des gens de travail, des gens ordinaires, et que vous êtes d'une famille distinguée depuis longtemps, non seulement par la fortune, mais encore par l'estime que vos ancêtres et vous-même avez méritée. Réfléchissez à tout cela, que vous n'ayez pas à vous repentir plus tard, et que nous n'ayons pas non plus la douleur de penser que vous êtes malheureux par notre faute. Vous en savez plus que nous, monsieur Courbus. Nous sommes de pauvres gens sans instruction. Réfléchissez donc pour nous tous ensemble. Voilà un honnête homme, pensa le vieux Rebbe. Et Fritz dit avec attendrissement, si Suzel m'aime, tout sera bien. Si par malheur elle ne m'aime pas, la fortune, le rang, la considération du monde, tout n'est plus rien pour moi. J'ai réfléchi et je ne demande que l'amour de Suzel. Eh bien donc, s'écria Christel, que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Suzel, tu viens de l'entendre, réponds-toi-même. Quant à nous, que pouvons-nous désirer de plus pour ton bonheur? Suzel, aimes-tu monsieur Courbus? Mais Suzel ne répondait pas, elle sanglotait plus fort. Cependant, à la fin, Fritz s'étant écrié d'une voix tremblante, « Suzel, tu ne m'aimes donc pas que tu refuses de répondre ?» Tout à coup, se levant comme une désespérée, elle vint se jeter dans ses bras en s'écriant « Oh si, je vous aime !» Et elle pleura, tandis que Fritz la pressait sur son cœur et que de grosses larmes coulaient sur ses joues. Tous les assistants pleuraient avec eux. Maïel, son balai à la main, regardait le cou tendu dans l'embrasure de la cuisine. Et tout autour des fenêtres, à 5 ou 6 pas, on apercevait des figures curieuses, les yeux écarquillés, se penchant pour voir et pour entendre. Enfin, le vieux Rebbe se moucha et dit « c'est bon, aimez-vous, aimez-vous » Et il allait sans doute ajouter quelques sentences, lorsque tout à coup Fritz, poussant un cri de triomphe, passa la main autour de la taille de Suzel et se mit à valser avec elle en criant « You, hoopsa Suzel, you, you, you, you !» Alors tous ces gens qui pleuraient se mirent à rire et la petite Suzel, souriant à travers ses larmes, cacha sa jolie figure dans le sein de Courbus. La joie se peignait sur tous les visages. On aurait dit un de ces magnifiques coups de soleil qui suivent les chaudes averses du printemps. Deux grosses filles, avec leurs immenses chapeaux de paille en parasol, la figure pourpre et les yeux écarquillés, s'étaient enhardies jusqu'à venir croiser leurs bras au bord d'une fenêtre, regardant et riant de bon cœur. Derrière elles, tous les autres se penchaient, l'oreille tendue. Orschel, qui venait de sortir en essuyant ses joues avec son tablier, reparut apportant une bouteille et des verres. « Voici la bouteille de vin que vous nous avez envoyée par Suzel il y a 3 mois, » dit-elle à Fritz. « Je la gardais pour la fête de Christel, mais nous pouvons bien la boire aujourd'hui. » On entendit au même instant le fouet claquer dehors et Zaferi, le garçon de ferme, s'écriait « En route !» Les fenêtres se dégarnirent et comme l'anabaptiste remplissait les verres, le vieux Rebbe tout joyeux lui dit « Eh bien, Christel, à quand les noces ?» Ces paroles rendirent Suzel et Fritz attentifs. « Eh, qu'en penses-tu, Orschel ?» demanda le fermier à sa femme. « Quand monsieur Courbus voudra !» répondit la grosse mère en s'asseyant. « À votre santé, mes enfants !» dit Christel. « Moi, je pense qu'après la rentrée des foins... » Fritz regarda le vieux Rebbe qui dit « Écoutez, Christel, les foins sont une bonne chose, mais le bonheur vaut encore mieux. Je représente le père de Kobus dont j'ai été le meilleur ami. Eh bien, moi je dis que nous devons fixer cela d'ici à 8 jours, juste le temps des publications. À quoi bon faire languir ces braves enfants? À quoi bon attendre davantage? N'est-ce pas ce que tu penses, Kobus? Comme Suzel voudra, je voudrai, dit-il en la regardant. Elle, baissant les yeux, pencha la tête contre l'épaule de Fritz sans répondre. « Qu'il en soit donc fait ainsi, » dit Christel. « Oui, » répondit David, « c'est le meilleur. Et vous viendrez demain à Hunebourg dresser le contrat. » Alors on but, et le vieux Rebbe souriant ajouta. « J'ai fait bien des mariages dans ma vie, mais celui-ci me cause plus de plaisir que les autres, et j'en suis fier. Je suis venu chez vous, Christel, comme le serviteur d'Abraham, Éléazar, chez Laban. Cette affaire est procédée de l'Éternel. » « Bénissons la volonté de l'Éternel, » répondirent Christel et Orchel d'une seule voix. Et depuis cet instant, il fut entendu que le contrat serait fait le lendemain à Hunebourg et que le mariage aurait lieu 8 jours après.